Poil de carotte, en chasse. Monsieur Lepic emmène ses fils à la chasse alternativement. Il marche, derrière lui, un peu sur sa droite, à cause de la direction du fusil, et porte le carnier. Monsieur Lepic est un marcheur infatigable. Poil de carotte met un entêtement passionné à le suivre sans se plaindre. Ses souliers se blessent, il n'en dit mot, et ses doigts se cordèlent. Le bout de ses orteils enfle, ce qui leur donne la forme de petits marteaux. Si Monsieur Lepic tue un lièvre au début de la chasse, il dit « Veux-tu le laisser à la première ferme ou le cacher dans une haie et nous le reprendrons ce soir ?»« Non, papa, » dit Poil de carotte, « j'aime mieux le garder. Il lui arrive de porter une journée entière 2 lièvres et 5 perdrix. » Il glisse sa main ou son mouchoir sous la courroie du carnier pour reposer son épaule endolorie. S'il rencontre quelqu'un, il montre son dos avec affection et oublie un moment sa charge. Mais il est là, surtout quand on ne tue rien et que la vanité cesse de le soutenir. « Attends-moi ici, » dit parfois Monsieur Lepic, « je vais battre ce labouret. » Poil de carotte, irrité, s'arrête, debout au soleil. Il regarde son père piétiner le champ, sillon par sillon, motte à motte, le fouler, l'égaliser comme avec une herse, frapper de son fusil les haies, les buissons, les chardons, tandis que Pyram même, n'en pouvant plus, cherche l'ombre, se couche un peu et halète toute sa langue dehors. « Mais il n'y a rien là, » pense Poil de carotte. « Oui, tape, casse des orties, fourrage. Si j'étais lièvre gîté au creux d'un forêt, sous les feuilles, c'est moi qui me retiendrais de bouger par cette chaleur. » Et en sourdine, il maudit Monsieur Lepic. Il lui adresse de menues injures. Et Monsieur Lepic saute un autre échalier pour battre une luzerne d'à côté, où cette fois, il serait bien étonné de ne pas trouver quelque gars de lièvre. « Il me dit de l'attendre, » murmure Poil de carotte, « et il faut que je cours après lui maintenant. Une journée qui commence mal, finit mal. Trotte et sue, papa. Éreinte le chien, courbature-moi, c'est comme si on s'asseyait. Nous rentrerons bredouille ce soir. » Car Poil de carotte est naïvement superstitieux. Chaque fois qu'il touche le bord de sa casquette, voilà Pyram en arrêt, le poil hérissé, la queue raide. Sur la pointe du pied, Monsieur Lepic s'approche le plus près possible, la crosse au défaut de l'épaule. Poil de carotte s'immobilise, et un premier jet d'émotion le fait suffoquer. Il soulève sa casquette, des perdrix partent, ou un lièvre déboule. Et selon que Poil de carotte laisse retomber la casquette, ou qu'il simule un grand salut, Monsieur Lepic manque ou tue. Poil de carotte l'avoue. Ce système n'est pas infaillible. Le geste, trop souvent répété, ne produit plus d'effet, comme si la fortune se fatiguait de répondre au même signe. Poil de carotte les espace discrètement, et à cette condition, ça réussit presque toujours. « As-tu vu le coup ?» demande Monsieur Lepic, qui soupèse un lèvre chaud encore, dont il presse le ventre blond pour lui faire faire ses besoins suprêmes. « Pourquoi ris-tu ? Parce que tu l'as tué grâce à moi ?» dit Poil de carotte. Et fier de ce nouveau succès, il expose avec aplomb sa méthode. « Tu parles sérieusement ?» dit Monsieur Lepic. Poil de carotte. « Mon Dieu, je n'irai pas jusqu'à prétendre que je ne me trompe jamais. » Monsieur Lepic. « Veux-tu bien te taire tout de suite, Nigo ? Je ne te conseille guère, si tu tiens ta réputation de garçon d'esprit, de débiter ces bourdes devant des étrangers. On t'éclaterait au nez. À moins que, par hasard, tu ne te moques de ton père. » Poil de carotte. Je te jure que non, papa. Mais tu as raison. Pardonne-moi. Je ne suis qu'un serin.